Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Une émission spéciale francophonie. J'insiste sur le terme car on va entendre tour à tour une formation helvétique, un groupe lyonnais et un duo franco-anglais. On démarre tout de suite avec l'événement du moment. Vous n'étiez pas très nombreux, hélas, pour ce splendide concert. Et je pèse mes mots, le concert de Galahad. Eh bien, on va brosser le portrait de ce groupe prestigieux issu du Jura suisse. Tout de suite avec un premier extrait de 1er février. Plus vite encore que de nos vertiges, plus d'éclat. Chanter ce qui se tue. Comment passe la vieille muscule en silence de sa grimace. Oui, espiègle cristallin qui fleurissait si bien. Sa lumière s'en vient tresser de ses doigts fins. Les secondes en art et les heures en chagrin. Et un album 1er février publié par Musea en 1992. En 96 suivait le superbe Vae Victis. Vae Victis, lui également publié par Musea. Tout de suite un extrait de Galahad, Vae Victis. Le groupe Split, hélas, peu après ce Vae Victis, ce n'est qu'en 2019 qu'il réapparaît avec le superbe Frater. Tout de suite un extrait de Frater. Sous-titrage Société Radio-Canada. excuserai de la cage, je vous ai pas invité. Je suis tombé de vivre quand l'heure est arrivée de partir en fumée après avoir porté de lourds bagages. Le long des âges, je te contemple, humanité. Et les voilà, tout beau, tout neuf, avec un nouvel album intitulé Paradis posthume et publié fin 2021. Galade tout de suite. Soir de tempête, quand last week unique. Oui, divine est la vie. Pleine de fêtes joyeuses. Divine est la vie. Et te rend heureuse jusqu'à la fin. Allez savoir pourquoi je l'aime bien, ce duo franco-britannique intitulé Silver Hunter. Les voici de retour après deux albums avec un EP, quatre titres intitulés Jardin Nippon. Tout de suite, Silver Hunter. Recherche des mystères de la lumière, de la musique, des couleurs pures, telles les voyelles coloriées d'Arthur ou les rimes de Verlaine impair. Couleurs chaudes glacées, couleurs froides embrasées. Comment transcrire sur le canevas ces émotions qui sont en moi? J'ai créé mon jardin des bons. Un arc-en-ciel en guise de pont qui se mire dans les temps de mes printemps, de tes 20 ans. Jardin des bons. Jardin des bons. Impression sur ma rétine, le voile d'une belle ondine, créature frêle, irréelle, immortelle, immortelle, silhouette sur ma palette, emmène-moi au loin, emmène-moi au loin. J'ai créé mon jardin des bons. Un arc-en-ciel en guise de pont qui se mire dans les temps de mes printemps, de tes 20 ans. Thank you. On continue avec une nouvelle production du label allemand Progressive Promotion Records. Une production de haute volée. Je veux parler de Project Patchwork. Project Patchwork, c'est un projet mené par le batteur allemand Gerd Albers. Voici son troisième opus, un opus dédié, c'est un concept, dédié au Covid, dédié au confinement et ses conséquences sociales. Un son énorme. Tout de suite, Project Patchwork et son Ultima Ratio. Inspired to silence patiently, spinning his inner prayer wheel. The healer sends vitality deep within one, attending to pains all too real. The healer lies within a song. When we answer the call to pray for somebody, thank you. Saint-Marie, S-A-2-M-A-R-Y. C'est un jeune groupe, c'est leur premier opus. Lui aussi distribué par Progressive Promotion Records. C'est un groupe qui vient lui aussi d'Allemagne et qui est mené par Sami Wallant. Un jeune homme, un jeune musicien multi-instrumentiste de 18 ans, accompagné de Stella Inderwiesen au chant. Ce jeune monsieur, eh bien, nous produit une musique franchement bien produite, musclée, et c'est, comme je le disais, son premier album. Cet album s'intitule Monochrome. Tout de suite sur Prog à part. The heart. don't have the answer. I don't have the answer. I don't have the answer. I don't have the answer. I don't have the answer. Ils sont trois, ils sont norvégiens, c'est des petits jeunes qui viennent de produire leur premier album. Ils s'appellent Datadyr, D-A-T-A-D-Y-R. Ce premier opus s'intitule Wool Gathering. Wool Gathering, à quoi ça ressemble? Eh bien, à du jazz rock fort bien troussé sur un petit label bien sympathique qui s'appelle avec beaucoup d'humour Is it jazz? Point d'interrogation. Tout de suite, Datadyr. Thank you. J'aime bien les Lyonnais d'Enéade, d'abord parce que je les suis depuis la création du groupe, ensuite parce qu'ils m'ont fait plusieurs fois le plaisir, l'honneur de jouer au sein de Silver Hunter, et surtout pour leur musique et le côté très crimsonien. Le mois dernier, vous avez pu découvrir un large extrait de leur nouvel opus, et j'ai voulu creuser un petit peu la chose et nous faire plaisir avec un extrait du premier et deuxième album de la formation lyonnaise. Je veux parler de Remembrance, suivi de Teardrop in Morning Dew. Voilà, Enéade tout de suite, et je précise au passage que Enéade ainsi que Galahade seront en interview exclus dans le prochain Acid Dragon. Enéade. And the man he used to praise. and set about forgetting God, the water, the air, the sun, and the earth. Here I am, I'm the man, I fear nothing. For my king, he shelters me. We'll be right back. he shelters me. Rand Doyle! God saw how sad the earth was and said, shake your back, for it's all black and blue. Then the wind, they shut the mountains. Ran the sea overflow into the palace. Ran the sun caught a ride, the king of silver. We'll be right back. watch the sunrise again. Light of day, and learn to love again. Light of day, watch the sunrise again. Light of day, and learn to love again. To feel the warmth of blood flowing through my veins.